Bip balalada. Bip balalada. Bip balalada. Si je m'en dis ça, je m'envoie très loin. Bip balalada. Bip balalada. Bip balalada. Bip, bah, je m'envoie très loin. On fait nos bails, on s'en tape de vous. Tous les jours on vit des trucs de fou. On garde le sourire, on reste debout. Ils sont jaloux, ils font que parler de nous. Je lève le thémat assis ou debout. On sonne avec le pote, on dirait de fou. Avec ma main, je touche le garde-boue. Même si vous êtes devant, levez-vous. Oh, oh, le malheur m'a pas raté. J'ai trop tourné en rond. Tu m'as pas la frais. Qui dit que j'ai pas rappé? J'posais devant le mic tous les jours sans penser au jour d'après. Si je bois du jack, que je m'envoie très loin. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Si je bois du jack, que je m'envoie très loin. Loin, loin. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Bip balalada. Bip balalada. Bip balalada. Si je m'en dis ça, je m'envoie très loin. Bip balalada. Bip balalada. Bip balalada. Bip balalada. Si je m'en dis ça, je m'envoie très loin. Qui est là, ouais, quand t'as rien? Tu t'es manqué, poto, c'est rien. Fais pas le mec sur le terrain. T'es chaud contre moi, j'suis serein. Dans un stade où le mal veut mon bien. Un frère, c'est celui qui te fait du bien. Y'a pas que toi à la fuite des belins. Refais quand j'suis avec les miens. Oh. J'arrête pas de zoner. Je vois plein de putes. J'suis plus étonné. La pointe à tu connais. Et si t'as un souci, on va finir par se donner. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Loin, loin. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Bip balalada. Bip balalada. Bip balalada. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Bip balalada. Bip balalada. Bip balalada. Bip balalada. Je suis KO, pourtant je zone. Je pense aux frères derrière les barreaux. Sous longue peine. Et elle t'a mis le barreau. Le sang de la veine. Tu vas te péter une garo. Faut que tu restes zen. Et je suis KO, pourtant je zone. Je pense aux frères derrière les barreaux. Sous longue peine, elle t'a mis le barreau. Le sang de la veine, tu vas péter une garo. Faut que tu restes zen. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Loin. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Bip balalada. Bip balalada. Bip balalada. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Bip balalada. Bip balalada. Bip balalada. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Du jack, je m'envoie très loin. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Si je bois du jack, je m'envoie très loin.